30e chapitre. Comment Hagen et Volker firent la garde. Le jour était à sa fin et la nuit approchait. Les guerriers, fatigués du chemin, s'inquiétaient de savoir où ils trouveraient une couche et quand ils se reposeraient. Hagen s'en occupa et bientôt ils la prirent. Gunther parla au roi. « Que Dieu vous accorde une vie heureuse. Nous voulons aller dormir. Donnez-nous congé et si vous l'ordonnez, nous viendrons demain de bonne heure. » Le roi se sépara joyeux de ses hôtes. On vit alors les étrangers pressés de tous côtés. Volker, le très hardi, parla au Yunen. « Comment osez-vous ainsi marcher devant les pieds de ces chefs? Si vous ne voulez vous en abstenir, il vous en arrivera malheur. J'assènerai sur l'un de vous un tel coup d'archet que s'il a un ami fidèle, celui-là le pleurera. Pourquoi ne reculez-vous pas devant nos chefs? Vous devriez pourtant le faire, me paraît-il. » On nous nomme tous des guerriers, mais nous ne sommes pas d'égal courage. » Tandis que le joueur de viol parlait ainsi avec colère, Hagen le très vaillant regarda derrière lui et dit « Le valeureux ménestrel vous donne un bon conseil, héros de Kriemhild. Allez, retournez en vos logis. Je doute qu'aucun de vous exécute le projet que vous avez formé, mais si vous voulez commencer, attendez jusqu'à demain au matin. Nous sommes étrangers. « Laissez-nous donc reposer cette nuit. Oui, je crois que jamais chevaliers ne l'auront fait aussi volontiers. » On amena les étrangers dans une vaste salle où l'on avait préparé pour tous les guerriers des lits très riches, larges et longs. Dame Kriemhild méditait contre eux les plus funestes attentats. On y voyait de superbes couvertures en étoffe éclatante d'arras et maints rideaux de lit en soie d'Arabie la plus belle qu'on pût voir, ornés de galons du plus brillant éclat. Ces lits étaient garnis de fourrures d'hermine et de zibelines noires qui devaient les couvrir durant le repos de la nuit jusqu'au jour brillant. Jamais un roi ne fut si magnifiquement couché avec sa suite. « Malheur à notre logis de cette nuit, » dit Giselher l'enfant. « Malheur à nos amis qui nous ont accompagnés. Quoique ma sœur nous ait invités si gracieusement, je crains qu'à cause d'elle nous ne soyons tous tués. » « Quittez ces soucis !» dit Hagen à la forte épée. « Je veux cette nuit faire moi-même la garde. Je pense que je saurai bien vous protéger jusqu'à ce que vienne le jour. Ainsi soyez sans crainte. Après, chacun s'en tirera comme il pourra. » Tous s'inclinèrent à ce discours et le remercièrent. Puis ils se dirigèrent vers leur couche. Ces beaux guerriers ne tardèrent pas longtemps à s'étendre pour se reposer. Hagen, le héros intrépide, commença de s'armer. Le joueur de viol, Volker, la bonne épée, prit la parole. « Si vous ne vous y opposez pas, Hagen, je veux faire la garde avec vous cette nuit jusqu'à l'aurore de demain. » Le héros remercia très affectueusement Volker. « Que le Dieu du ciel vous récompense, très cher Volker. En mes plus grands soucis, je ne désirerais personne de plus que vous seul, quel que puisse être le danger. » Je saurais bien vous en tenir compte si la mort ne m'en empêche. » Tous deux se revêtirent de leur brillante armure. Chacun prit son bouclier à la main et sortant de la salle, ils allèrent se placer devant la porte. Là, ils veillèrent sur leurs compagnons et ils le firent loyalement. Volker, le rapide, détacha de son bras un fort bouclier et le posa contre le mur de la salle, puis y entra pour prendre son violon. Alors il veilla sur ses amis comme il convenait à un héros tel que lui. Il s'assit sur une pierre sous la porte du palais. Jamais il n'a existé un plus brave joueur de viol. Il tira des cordes de son instrument des sons si doux que les fiers étrangers remercièrent tous Volker. Les cordes résonnaient et toute la salle en retentissait. Son habileté et sa force étaient toutes deux extraordinairement grandes. Il se mit à jouer plus doucement et plus moelleusement. Il endormit sur sa couche main guerrier plein de soucis. Quand il s'aperçut qu'il s'était assoupi, le héros remit le bouclier à son bras et sortant de la salle, alla se replacer devant la porte pour garder les Burgondes contre les hommes de Kriemhild. Vers le milieu de la nuit, ou plutôt, je ne puis le dire exactement, il arriva que Volker le hardi vit briller des haumes dans les ténèbres. Les hommes de Kriemhild auraient bien voulu assaillir les étrangers. Avant d'envoyer ses guerriers, Kriemhild leur avait dit « Si donc vous les trouvez au nom de Dieu, je vous enjoins de ne tuer qu'un seul homme, le déloyal Hagen. Vous laisserez la vie aux autres. » Le joueur de viol parla. « Ami, sire Hagen, il nous convient de lutter ensemble contre le danger. Je vois des gens armés s'approcher du palais. Si je ne m'abuse, ils veulent nous attaquer. » « Taisez-vous, » dit Hagen, « laissez-les approcher davantage. Avant qu'ils ne nous aperçoivent, nos mains abattront à coups d'épée plus d'un casque, et nous les renverrons bien mal arrangés à Dame Kremhild. » Un guerrier d'entre les Yunen vit bientôt que la porte était gardée et s'écria à l'instant. « Nous devons renoncer à notre dessein. Je vois le joueur de viol qui fait sentinelle. Il porte sur sa tête un haume éclatant, dur et poli, fort et d'une seule pièce. » Et sa cotte de maille lui aussi comme un feu. À côté de lui se tient Hagen. Ah, les étrangers sont bien gardés. Aussitôt les Hunen se retirèrent. Quand Folker s'en aperçut furieux, il dit à son compagnon. « Maintenant, laissez-moi aller vers ces guerriers. Je leur demanderai des nouvelles des fidèles de Kremhild. » « Non pas pour l'amour de moi, » dit Hagen. « Si vous vous éloignez de ce palais, ces guerriers rapides vous pousseront avec leur épée à une telle extrémité qu'il me faudra vous secourir, quand ce serait aux dépens de la vie de tous mes parents. Si nous sommes alors engagés tous deux dans le combat, deux ou quatre d'entre eux se précipiteront à l'instant vers cette salle et porteront à nos amis endormis de tels coups que nous ne les oublierons jamais. » Mais Folker répondit, « Faisons du moins en sorte de leur faire connaître que nous les avons vus, afin que les hommes de Kremhild ne puissent nier qu'ils ont voulu commettre une déloyauté à notre égard. » Aussitôt, Folker leur cria. « Où allez-vous ainsi armés, guerriers rapides? Allez-vous à la maraude, hommes de Kremhild? En ce cas, nous irons à votre aide, mon compagnon et moi. » Personne ne répondit. Il devint furieux. « Fi, méchant lâche !» dit ce bon héros. « Auriez-vous donc voulu nous assassiner pendant notre sommeil? Pareil malheur est rarement arrivé à d'aussi braves guerriers. » On raconta à la reine que les hommes qu'elle avait envoyés n'avaient rien fait. Elle en fut affligée, et avec raison. Alors elle songea à d'autres moyens. Son âme était en proie à la fureur. Elle allait faire périr des héros vaillants et bons.